Très heureux d'être dans la présence du Seigneur. Surtout quand on passe des bons moments dans la prière. La prière fait la force du croyant. Frère Franck nous enseigne. Qu'un véritable chrétien né de nouveau respire par la voie de la prière. Si quelqu'un n'aime pas la prière, c'est un mort-né. Toute véritable mère s'inquiétera. Quand l'Église n'aime pas la prière, il y a quelque chose de fou. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 11. Dans son verset 28. Prions. Seigneur, merci. Buona accenti. Depuis le matin, mes frères et mes sœurs étaient ici pour t'adresser quelques mots de prière. S'ils ont tout abandonné, leur maison, leurs activités, ils se sont même abstenus de manger. C'est parce qu'ils avaient des préoccupations dans leur cœur. Mais toi, tu as dit, tu ne peux pas repousser celui qui vient à toi. Seigneur, si tu nous as donné des oreilles, c'est parce que toi-même tu en as. Nous sommes des gens, des hommes créés à ton image. tu as des oreilles pour écouter nos prières. Seigneur, nous croyons fermement que nos voix ont été entendues, non pas parce que nous avons prié, mais à cause de l'œuvre du calvaire. S'il y a eu un péché inconfessé qui empêche qu'une prière d'un frère ou d'une sœur ne soit exaucée, je te demande au nom de Jésus-Christ, pardonne. Nous sommes des gens complètement affaiblis. Des fois, nous ne comprenons pas exactement ce que nous faisons. C'est pourquoi toi-même, tu t'es placé comme un souverain sacrificateur sur ton trône afin d'intercéder auprès du Père, qu'il n'y ait aucune prière qui ne sera pas exaucée. Exauce chacun de nous pour la gloire de ton nom. Souviens-toi des frères et des sœurs ainsi que ton serviteur qui sont allés à Kolwezi pour assister notre frère Shadrach. Sois avec eux à l'aller comme retour. Lorsqu'ils seront de retour au milieu de nous, nous glorifierons ton nom. Bénis la parole qui sera lue et sois avec nous ainsi qu'avec les frères qui sont et les sœurs qui sont en ligne. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Matthieu 11, Matthieu 11. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Si vous remarquez très bien les paroles du Seigneur, Jésus-Christ n'appelle pas tout le monde. Jésus-Christ a chité batu bote. Jésus-Christ s'adresse aux hommes et aux femmes. Jésus-Christ konambia banaume na banamuke. Premièrement, qui sont chargés. Kwanza bale beko na mamizigo. Et deuxièmement, ils sont fatigués na kiapili beko benye kulemewa de la charge qu'ils ont portée longtemps. Na mizigo la baribeba masiku ya mingi. Et Jésus continue. Na Yesu anendelea. C'est à eux que moi je donnerai du repos. Ni kwa bo bale, jo bale ntapatia pumziko. Celui qui s'est chargé longtemps. Ule arijitwika na mziko wakati mrefu. Ou qui a été chargé par Satan longtemps. Il a marché avec son fardeau. Il est fatigué. Il n'en peut plus. Il en a assez. Il est complètement abattu. Il n'a plus de force. Sa charge devient tellement très pesante. Mais il ne sait où la décharger. Et il ne sait même pas qui va le décharger? Mais notre Dieu est bon, le miséricordieux, l'homme plein d'amour, il dit à tous ces hommes et à toutes ces femmes, faites un pas vers moi et moi je vais vous décharger. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus n'a pas de raison de refuser à quelqu'un de venir à lui. Jésus ne peut pas refuser à un homme, à une femme qui lui demande secours. Jésus ne peut pas le faire. Si vous remarquez un frère ou une sœur, qui continue à vivre dans le péché, qui a encore des alliances avec Satan, c'est un signe qu'il n'est pas encore fatigué. C'est un signe qui prouve que ce dernier ne se sent pas encore chargé. Il n'a pas encore le dégoût de sa charge. Il n'est pas encore fatigué avec la vie du péché. C'est pourquoi il continue à faire route ensemble avec Satan. C'est pourquoi il est encore sous le même joug avec Satan. Il apprécie encore cette vie-là. Mais à une telle personne, Dieu ne peut rien faire. Même la prière du pasteur ne peut rien faire. Même la prière de l'église ne peut rien faire. Parce que lui ne se sent pas fatigué. Mais quand quelqu'un est complètement épuisé, la charge devient de plus en plus pesante, il commence à sentir comme s'il allait mourir avec sa charge s'il ne trouve pas grâce devant un homme qui peut le décharger. Cet homme-là, cette femme-là, acceptera d'aller vers Christ et il sera déchargé. Et il aura certainement du repos. Et il ne recevra pas le repos comme le reste des hommes, comme un repos qui vient des hommes, mais il recevra un repos éternel. C'est vrai, frère. C'est vrai, sœur. Comme on a frère Mukanisa. Si vous voyez un frère dans l'église, ou une sœur dans l'église, Angari yeko na tembela, yeko na tembele ya mungi ya zambi. Il continue à marcher dans la voie du péché. Ni alama ya kusema. C'est un signe qui montre. Ayachoka. Qui n'est pas encore fatigué. Na zambi ayakuwa buzito kwake. Et le péché n'est pas encore pesant. Wakati yote ama mtu ayakuwa na ayashikia buzito ya zambi. Tout temps qu'une personne n'a pas encore senti le na ayachoka. Et qui n'est pas encore fatigué. Hakuna kitu hata kimoya utawezi kufanya. Rien que vous pouvez faire. Akufanishia. Pour lui, afin qu'il puisse se décharger de ce fardeau. C'est parce qu'il aime cela. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas agir contre la volonté de quelqu'un. Non, mon frère. Dieu est un véritable démocrate qui respecte le libre arbitre de tout homme, de toute femme. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu fera. Il respecte ça. Mais quand quelqu'un est fatigué, kuchoka, il va courir pour chercher du secours msaada, auprès du rédempteur. Mukombozi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Des fois, nous nous posons la question de savoir mara mingi tunajulizaka jua kuyua, pourquoi les gens n'aiment pas Jésus-Christ. Jua nini batu abamupende Yesu Christu. Pourquoi les gens n'aiment pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est mauvais? Quelle est la chose mauvaise que nous recevons en Christ? Que nous trouvons à Christ? Dans à Christ? En Christ, dans sa parole, afin qu'on puisse le renier et renier même de croire à sa parole. Pourquoi on refuse? Dieu a nini tu na katala ile. Christ donne la vie éternelle. Christ est qu'on a été uzima milele. Il donne la paix éternelle. Et qu'on a été salama ya milele. Il donne la joie éternelle. Et furaya, milele. Il guérit toute maladie. Et ponyesha magonjwa yote. Toutes les bonnes choses biote binikwa bizuri, que les hommes ont toujours envié est auprès du Seigneur. Biko ni ku, ça, c'est tout dans la parole. Biko ndani ya neno. Mais Satan n'a aucune véritable promesse. Toutes les promesses de Satan ne sont que mensonges et illusions. Mais pourquoi les gens n'aiment pas Christ? Ils aiment Satan. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'homme est né du mensonge. C'est le résultat du mensonge. Un homme naturel aime plus les mensonges que la vérité. Aime plus la mort que la vie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidi. Si nous avons échappé, kama sheturepuka, c'est seulement la grâce de Dieu. Kama tuliponyoka, ni kwa neema ya Mungu. Si aujourd'hui nous aimons le Seigneur, kama leo tunampenda Bwana, c'est vraiment c'est seulement par sa grâce. Ni hakika tu kwa neema yake. Nous étions comme eux. Tulikuyaka na she sabo. Mais la grâce du Seigneur lakini neema ya Bwana nous a ouvert les yeux. Et il tufungula kamacho. Et aujourd'hui nous aimons le Seigneur. Na leo tunampenda Bwana. Nous aimons la vie de la lumière. Tunapenda uzima ya nuru. Nous aimons la vérité. Tunapenda ukweli. Nous aimons la vie. Tunapenda uzima. Parce que notre rédempteur, sababu mkombozi wetu, nous a fait grâce. Alitufanyia neema. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. 82e question. Mais ulizo ya makumi mnane na mbili. Est-ce que vous avez bien compris ce qui a été dit? Eti mnalewa ile inasemewa? Est-ce que vous venez de comprendre ce qu'on vient de dire? Eti mnaelewa mzuri tunatoka mkusema? J'ai cru depuis 2022. Ni ulizo, niliamini tangia mwaka ya 2022. Mais jusqu'ici, lakini kufika na hapa, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Shia pokia bado Roho Mtakatifu. Et pourtant, japo, c'est l'un de mes vœux les plus chers. Jo kutaka kwangu kule kwa yulu kabisa. J'aime que Dieu me vienne aussi en aide comme il le fait avec certains des frères et des sœurs. Napenda pia Mungu ako kunisaidia paka vya nafanya na banduku na badada bengine. Mais lakini il m'arrive d'autres temps. Iko nifikia mwa wakati mwa fulani fulani. D'autres moments. Mwa wakati mwa hivi. Je me sens abandonné. Najishikia tu minachiliwa. Je prie. Naomba. Un certain temps. Na wakati mwa fulani. Je n'ai plus la force shina tena na nguvu de prier. Ya kuomba. Et pourtant, japo, ce dont j'ai besoin, c'est ce dont j'ai besoin. Je me sens triste. Niku nishikia na uzuni sana. Jésus revient bientôt. Yesu unarudia sasa hivi. Mais ma foi n'est pas encore très affermie. Lakini imani yangu hayashikamanisha kabisa kabisa. Sur les expériences avec Dieu. Yulu ya maonjo na Mungu. Je vais aussi faire une véritable expérience du Saint-Esprit. Napenda pia na mimi nifanye onjo ya kweli ya Roho Mtakatifu. Je ne veux pas me plonger dans les imitations. Mishipende nijitumbukize mubitu vya kufuatilisha hapana. Que puis-je faire? Tafanya nini? Pour amener la présence de Christ dans ma foi et dans ma vie? Juu ya kuita uwepo ya Kristo ndani ya imani yangu ndani ya maisha yangu. S'il vous plaît. Samani. Pouvez-vous me répondre avec l'aide de Dieu? Eti mnaweza kunijibu iko na msaada ya Mungu? À de telles préoccupations, ku mamangaiko ya mwina muna, Obana me répondait, nduku brana kwa na jibiaka, vous êtes déjà béni. Unesha kubarikiwa. Le fait seulement d'avoir la soif du Saint-Esprit, vile tu kona kiu ya kupokea Roho Mtakatifu, vous êtes certainement béni. Uko akika mwenye kubarikiwa. Parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas la soif du Saint-Esprit. Sababu kuko ba mingi zaidi abana tana ile kiu ya kupokea Roho Mtakatifu. Vous voyez? Unaona? La Bible dit. Biblia inasema. Prenons Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 5. Tubebe kitabu ya Mathayo sura ya 5. Vous êtes béni, mon frère, vous êtes béni, ma soeur. Uko mwenye kubarikiwa nduku yangu, dada yangu. Parce que avec la soif que vous avez, sababu, na ile kiu kunayo, vous serez certainement rassasié. Utashibishwa akika. Aujourd'hui, tu te sens affligé. Leo unajisikia na uzuni. Et la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 5. Na Biblia inasema hivi Mathayo sura ya 5. Heri les affligés. Heri benye kuwa na uzuni. Verset 4. Mstari ya 4. Car ils seront consolés. Sababu watafarijiwa. Comme tu t'affliges. Tu es triste. Uko na uzuni. Tu veux avoir une véritable expérience. On a peine d'ufanye onjo ya kweli du Saint-Esprit. Ya Roho Mtakatifu. Tu as soif de cela. Ukuna kiu ya ile. Tu seras consolé. Akika utafarijiwa. Et tu vas recevoir na utapokea le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit. Rom takatifu ya kweli. Après avoir expérimenté kisha wekuonja toutes les autres expériences du salut. Ma onjo yote ngine ya mwokovu. Maintenant, écoutez encore. Ça, ça sikiliza tena. Il y a une chose fondamentale que vous devez faire. Kuko kitu kimwa kya msingi kile unapasha kufanya. Après avoir pris votre décision kisha kubeba mpango yako de suivre Christ, ya kumfuata Kristo, prenez une fois pour toutes, beba mara tu moja kunaisha, une décision courageuse, mpango moja ile ya udari pour ton salut juu ya ukovu yako et sur toutes les expériences que vous voulez faire avec le Seigneur. Na yuri ya maonjo yote unapenda ufanye na Bwana. Suivez les instructions de toute la parole de Dieu. Fata magizo ya neno lote ya Mungu. Et persévérez dans l'obéissance. Na dumu katika utiifu. Le Seigneur vous fera grâce. Bwana atakufanyia neema. Prenez une décision courageuse. Beba ile mupango ya nyekwa na udari. Comme cette décision que la belle fille de Frère Branham avait prise. Sawa ile mupango mko yake mwanamke wa ndugu Branham alibebaka. Comme la décision qu'avait prise notre frère John. Sawa ile mupango ilibebwaka nduku yetu John. Ils sont arrivés à un certain moment de leur vie. Ilibafikiaka mwakati mwa maisha yabo. Ils avaient tellement soif du Saint-Esprit. Walikuwa na kiu sana ya Roho Mtakatifu. Après avoir arrangé leur vie. Kisha hapo kutengeneza maisha yabo yote. Avec le Seigneur. Pamoja na Bwana. Après avoir ôté toute condamnation dans leur cœur, lorsqu'ils avaient remarqué que tout était honoré, tout était fait selon la volonté de Dieu, ils prirent des décisions courageuses. John dit, John akasema, le frère John a dit, nduku John alisemaka, pendant qu'il a bourré, wakati alikuwa analima, il mit son char à côté, akaweka ile gari yake ya kulima nayo pembeni, il dit au Seigneur, akamwambia Bwana, aujourd'hui, leo, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, kama aunipatie Roho Mtakatifu, à ton retour, mukurudi kwako, tu trouveras mes os ici, utakuta mifupa yangu hapa. Il s'est mis à prier dans les plantes de, entre les plantes de, entre les plantes bandes. Akaanza akatonga magocha akaanza kuomba katikati ya mamituta. Il pria akaomba jusqu'à ce que le Saint-Esprit vint. Kufika na pale Roho Mtakatifu ulishuka. La belle fille de Frère Branham. Mko yake mwanamke prit la même décision. Akabeba le mpango moyo moyo. Lorsqu'elle avait soif et faim du Saint-Esprit, elle pria dans toute la sincérité de son cœur jusqu'à ce qu'elle ait reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'il vous faut faire, mon frère, ma soeur, qui a posé cette question. Et certainement, vous serez consolés. Comme vous l'avez mentionné dans votre question. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Que rien ne te décourage. Tant dans la première chose à faire, vérifiez profondément votre vie. Regardez où est-ce que tu n'es pas correct avec le Seigneur. Dans ton cœur, il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour te décourager. N'écoutez pas toutes ces voix qui vous découragent. Écoutez la petite voix qui t'encourage et dit: persévère avec le Seigneur, tu auras la victoire. Écoutez cette voix qui t'encourage à vérifier votre vie, à mettre en ordre ta vie. Cette petite voix qui t'encourage à prier avec persévérance, obéissez à cette voix-là après avoir sanctifié ton cœur, sanctifié ton esprit, sanctifié ton corps par la parole que vous écoutez. Réparez, confessez ce qu'il y a à réparer, à confesser et aller dans une prière sincère, vous recevrez le Saint-Esprit. Moi, votre frère, je suis passé par là et je connais ce que je vous dis. Faites ça, vous le recevrez. Mais il ne faut jamais oublier l'instruction, le conseil que je vous ai toujours donné. Avant chaque expérience surnaturelle avec Dieu, il y a une période de chaleur qui précède. Il y a une période de chaleur qui précède l'expérience. Cette période qui précède, elle est caractérisée par un amour, par une soif, une faim d'expérimenter ce que vous voudrez faire, vous voudrez avoir. C'est comme une femme qui est dans la période de conception. Avant l'ovulation, il y a une période de chaleur qui précède, où la femme est très excitée. C'est ce qui se passe spirituellement. Regardez avant la semence, nous les agriculteurs, avant que la pluie tombe, il y a une période qui précède de grandes chaleurs. Tout le monde s'en plaint. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de chauffer la terre, est en train de préparer le sol pour la semence qui germera quand la pluie tombera. Et spirituellement, c'est ce qui se passe. Dans ce domaine-là, il n'y a pas d'intellectualisme. Il n'y a pas un problème de formalisme. Il y a un problème du Saint-Esprit. Il y a un problème d'esprit qui vient amener en vous un esprit de réveil. Que Dieu bénisse. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ça. Comme tu as un désir profond de changer, d'être un bon chrétien, d'être une bonne chrétienne, d'expérimenter ces belles expériences du salut jusqu'au baptême du Saint-Esprit, Dieu te l'accordera certainement si vous persévérez dans cette voie-là. Dans Psaume au chapitre 20. Zaburi sura ya 22. Que ses réponses imajibu vous soient favorables. Ipate kusaidia sana. Psaume 20. Zaburi 22. Verset 5. Mustari ya 5. Que Dieu te donne Mungu akupatie ce que ton cœur désire. Kile roho yako inatamani. Et qu'il accomplisse na pate kutimiza tous tes desseins. Ma makusudi yako yote. Comme tu as cette soif. Vile kuna ile kiu. Que Dieu te donne Mungu akupatie qu'il comble cette soif. Apate kushibisha ile kiu. Comme tu es affligé. Vile unahuzunika. Tu es triste. Uko na huzuni. Pour avoir le Saint-Esprit. Kwa Roho Mtakatifu. Que Dieu te console. Mungu akufariji. Et qu'il te donne le Saint-Esprit. Na kupatie Roho Mtakatifu. Que Dieu exauce ta prière. Mungu ajibu maombi yako. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu, dada yangu. Dans Psaume 37. Zaburi 37. Dans son verset 4. Musara ya 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fanya wa milele akuye kile kiako cha juu kile unapenda. Non, non. Tes délices. Furaha yako ya yulu. Voyez. Naona. Fais de la parole de Dieu Fanya, neno ta joie. Yako. Fais de la parole de Dieu que vous recevez tous les jours Fanya, neno la Mungu, ton trésor. Azina ton yako. Trésor qui te réjouit. Ile azina yako vous voyez. Naona. Lorsque tu feras de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera tout ce que ton cœur désire. Très bien. Recommande ton sort à l'Éternel, verset 5. Aimez en lui ta confiance. Et il agira. Merci. Accent. 83. Je vous aime beaucoup, mon précieux frère. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours aimé être aimé. Napendaka na mibani pende. J'aime ça. Napendaka vile. Quand je vois quelqu'un qui ne m'aime pas, wakati niona mtu rashinipende, ça m'attriste. Na mimi nahuzunikaka. Quand je trouve que vous m'aimez, kama naona sasa unanipenda, vous m'encouragez. Unanikankamisha na mimi. Et pour avoir pour bien méditer la parole. Na tanjo kufikiri mzuri neno. Il faut que je sente que vous m'aimez. Si le Saint-Esprit sent aussi que vous ne m'aimez pas, il ne peut rien donner. Il ne peut rien me donner. Il ne peut pas me donner la nourriture pour vous donner aussi. Parce que lui aussi va s'attrister. Quand je sens que vous m'aimez, et vous me parlez comme ça que vous m'aimez, je suis content, je me sens flatté, parce que j'aime que les gens m'aiment. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Ça va. Mais moi, je vous aime plus. Merci frère, merci sœur. Accenti nduku, accenti dada. Je me sens vraiment frappé. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. J'ai toujours aimé entendre de bonnes paroles sur moi. Napendaka nishikie kwa sauti ya mzuri wanisemea hako. Et je pense que je n'ai pas tort. Na nadhani kwamba sina kosa. Tout homme normal. Mtu wote wa kaida wa kawaida. Aimerait entendre de bonnes paroles sur lui. Anapendaka bamuoneshe kwa maneno ya mzuri yule yake. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Frère, continue. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. J'accepte d'abord cette Amen. Bénédiction. Naichika J'accepte baraka. Ça. Naichika. Je l'accepte au nom du Seigneur Jésus. Naichika mujina bwana Yesu Kristu. Que Dieu vous bénisse pour la doctrine. Mungu amibariki juu ya mafundisho msingi. L'ordre. Usawa. Ainsi que la discipline maintenue dans ce Kambove tabernacle. Je suis tellement fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je suis très fier de vous. Na fieri kabisa juvenu. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Où serait la nouvelle Jérusalem? En haut, dans les cieux, suspendu dans l'air, ou en bas sur la terre. Le frère ou la sœur veut savoir où se trouvera la nouvelle Jérusalem. Je réponds à cette préoccupation. La nouvelle Jérusalem, descendra dans le millénium. Itashuka toka mbingu muile miaka 1000. Après le départ de l'épouse, c'est-à-dire après notre enlèvement, kisha kunyakuliwa kwa bibi harusi, il y a une période de cette année. Uko kipande mwa ya miaka 7. Pendant cette période de cette année, qui est divisée en deux parties, l'évangile retourne chez les Juifs. Les 3 ans et demi, les premières 3 ans et demi, en Israël, il y aura l'apparition de 2 prophètes. Israël, mutaonekana manabi mbili. Moïse et Élie. Musa na Elia. Qui viendront pour appeler les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Bale watakuya njua kuita maelfu mia mwana makumine na ine ya makabila kumina mbili ya Israeli. Et au milieu de la semaine, na katikati ya juma, l'Antichrist va briser l'alliance de la paix. Mupinga Christ watavunja ile agano ya salama qu'il avait fait avec Israël. Ile alifanyaka na Israeli. Et les 144 000 ou Israël, na balewa mia moja mia moja makumi na ine, entrera dans la grande tribulation. Elfu mia moja makumi na ine batenya mukatika mateso makubwa. Et les 144 000 seront tués comme martyrs. Na ile mia moja makumi na ine ya elfu batawawa sawa ba alichika kufa. Il y aura des troubles pendant ces 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi. Qui conduiront jusqu'à la guerre d'Armageddon. Il est indélé à kufika pa kumvita ya Armageddon. Armageddon, ce qu'on appelle en hébreu Megiddon. Il est marita kama kibrani ya sema Megiddo. C'est une plaine. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà été là. Nkiwanja kwa neema ya Mungu shafika kule. J'ai déjà été là plusieurs fois. Pule mara ya mingi. Je suis passé par là plusieurs fois. Nishakupitia mule kiwanja mara mingi. J'ai été dans cette vallée là. Na mule bonde nishakupitia hapo. C'est là où il y aura le point central de la guerre. Jo mule mtashimamia zaidi mvita. Je suis toujours du côté d'Israël. À la fin de cette année, l'époux et l'épouse descendent pour entrer dans le millénium. Et il y aura la résurrection de 144 000, que le Seigneur fera grâce d'entrer dans le millénium pour vivre sur la terre. Maintenant, quand l'épouse et son époux, quand l'époux Jésus-Christ et son épouse descendent, et ils ne vont pas habiter sur la terre. Mais ils vont habiter dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Jérusalem amupia itashuka toka mbingu. Et va s'arrêter au-dessus de la nouvelle Jérusalem actuelle. Na itashimamia yulu ya Jérusalem ya hapa chini ya bulongo ya hapa sasa. La Jérusalem que nous visitons sur cette terre. Jérusalem ile tukunenda kutembea kupa hii dunia pa bulongo hapa. Parce que vous savez même dans les dénominations ici bulongo. Quand on chante Jérusalem, la plupart des gens confondent la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem et la Jérusalem terrestre, qui est encore sous l'esclavagisme. Maintenant, la guerre d'Armageddon a comme objectif de purifier toute la terre, de débarrasser toute la terre des démons et du diable. C'est ainsi qu'avant que l'épouse ne descende, avant que l'époux et son épouse descendent, dans la guerre d'Armageddon, à la fin, Satan sera lié et tous les démons et on va les mettre en prison de telle manière que les 144,000 vont vivre sur une terre débarrassée de tous les démons et de tout péché pour vivre dans le règne du prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va s'installer sur le trône de son père David, comme fils de David. Alors, les 144,000 seront sur la terre avec d'autres nations païennes. Ces païens, ces nations païennes qui avaient secouru Israël, la nation israélite, qui avaient appuyé la nation israélite lorsqu'elle était combattue et persécutée, Dieu les récompensera. Ne me posez pas la question de savoir ces nations-là seront-ils nés de nouveau? Non. Ils ne seront pas nés de nouveau. Dieu leur fera grâce parce qu'ils ont été à côté des enfants d'Abraham. Celui qui bénit Abraham, il est béni. Celui qui bénit Israël sera béni. Comme ils n'ont pas la vie éternelle, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont appuyé les enfants d'Abraham. Ils ont combattu pour eux. Ils ont reconnu la faveur que Dieu leur avait faite. Dieu aussi comme récompense, il dit, même si vous n'êtes pas né de nouveau, néanmoins vous allez vivre dans les milléniums. C'est ça votre récompense. C'est pourquoi, à la fin du mille ans, quand Satan sera relâché, ce sont ces mêmes nations ici, Satan vient et les démons entreront en eux. Ce sont ces nations-là qui vont maintenant combattre la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, ce sont des instruments que Satan va utiliser parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils vont maintenant combattre l'épouse et son époux, mais ils seront vaincus. Vous voyez? Et à ce moment-là, et Satan et tous les démons seront maintenant liés pour un dernier jugement. Et ils seront condamnés. Et ils n'entreront pas dans l'éternité. Parce qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. C'est pourquoi dans le millénium, il y a de l'essence. Il y a des enfants qui naîtront. Vous voyez, mais il n'y aura pas la mort. Tout homme qui naîtra accomplira ses jours. J'arrête cela. Vous voyez là où je vais? C'est encore un autre enseignement. Maintenant, je reviens à la question du frère ou de la sœur. Donc, quand la Nouvelle Jérusalem descend, c'est là où Jésus-Christ comme époux, comme roi, va habiter avec son épouse, la reine avec laquelle il a passé les noces de l'agneau. Vous voyez. Donc la Nouvelle Jérusalem sera au-dessus de la Jérusalem actuelle, la Jérusalem terrestre. Est-ce que c'est compris? Est-ce que mnashiki? Avez-vous compris? Nina nashiki. Qui n'a pas compris? Apocalypse chapitre 21. Ufunulo sura makumi mbili na moja. Apocalypse chapitre 21, commencé verset 1 jusqu'au verset 27. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendais du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous voyez, maintenant lisez ça jusqu'à la fin. Je vous ai déjà donné les explications. Allez lire ça jusqu'au verset 27. Que Dieu vous bénisse. Allez lire cela. 83e question. Pourriez-vous nous parler un peu sur les dimensions, s'il vous plaît? Car j'ai un peu de difficultés là-dessus. La manière, je réponds à cette préoccupation, je pense que la plupart des frères et des sœurs ne nous ont jamais entendu parler sur les dimensions, les sept dimensions. Quand Dieu créa toutes les choses visibles et invisibles, Dieu les avait classées dans les dimensions. alibipanga bile bitu muma sehemu ya dunia. Il y a la première dimension. Uko sehemu ya kwanza. La dimension de la lumière. Ni sehemu mule buku nonokana nuru. Dans la dimension de la lumière, nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons les étoiles, nous avons le feu. Deuxièmement, il y a la dimension de la matière. Ce que nous voyons ici, ce que nous touchons. Troisièmement, il y a la dimension de temps. Na sehemu ya tatu ni mule muko wakati. Quatrièmement, ya ine, il y a la dimension que nous appelons dans le terme du message de la télévision. Ni ile sehemu tu kunaita kufatana na ujumbe asema muko jomu kuma television. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est là où on trouve les voix, ma sauti, les images, ma picha, et les ondes. Na les ondes. Les ondes. Oui. Les ondes magnétiques. Il est ma onde magnétique. Tu vois, je suis ici. Unaona niko hapa. Au même moment, oui, wakati mwamoya. La sœur consolée. Dada consolée. Et le frère Jean-Marie, qui est l'autre en Finlande, l'autre aux États-Unis, les autres frères sont en Afrique du Sud, ils sont en train de me suivre au même moment que vous. Mes voix ici, les voix, ma voix, elle va jusqu'à l'éternité. Et n'a pas d'obstacle. Ta voix. Quand tu sors une voix. Tu sors un son. Ce son-là va jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas dans la Bible, Jésus disait. Par vos paroles. Vous serez justifiés. Par vos paroles. Vous serez condamnés. Les paroles que vous prononcez au jour du jugement vous reviendront pour vous juger. La manière dont je suis habillé ici et la manière dont la chair se présente, cette image ici est éparpillée dans le monde entier. Mais maintenant, pour capter ma voix et capter l'image, il y a des caméras, il y a des micros, vous voyez, pour canaliser ces voix afin que ceux qui sont au loin là puissent me voir et puissent m'entendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'entend. C'est moi qui l'entends. C'est moi qui l'entends. Il voit le même geste. Maintenant, les voix, les sons et les ondes qui transmettent les voix et les sons se trouvent dans la quatrième dimension. Maintenant, il y a la cinquième dimension. C'est la dimension, c'est là où va tous les pécheurs, les incroyants qui meurent. Kama muntu anakufwa, bila okovu, anakufa mpagano, ekonenda muprison. Il va directement au prison. La cinquième dimension que nous appelons la prison, c'est l'endroit où va les pécheurs, les incroyants. Il y a la sixième dimension que nous appelons le paradis. Il est tourné dans ce paradis. Quand un chrétien meurt, né de nouveau, il va dans le paradis. S'il meurt, sanctifié, né de nouveau et sanctifié, il va au paradis. S'il meurt, né de nouveau, sanctifié, et baptisé du Saint-Esprit, il va au paradis. Mais dans le paradis, il y a des quartiers pour que vous compreniez ça. Tout le monde n'habite pas au même endroit. Tout le monde habite son quartier selon l'état de sa foi lorsqu'il est allé dans la présence du Seigneur. Bané de nouveau, ils sont à leur endroit. Ceux-là qui ont expérimenté la sanctification, ils sont à leur endroit. Ceux-là qui sont scellés du Saint-Esprit, ils sont dans leur endroit. C'est ce qui fait que quand la résurrection viendra, ni pas que les scellés du Saint-Esprit qui dorment en Christ, qui vont ressusciter. L'aîné de nouveau. Et ceux qui sont sanctifiés resteront dans la tombe, dans le paradis, attendant le jugement. Vous voyez? Quand les vierges folles mourront, ils iront au paradis, aussi à leur endroit. C'est pourquoi, quand le millénium commence, il ressuscite là pour entrer dans le millénium. Les restes nés de nouveau resteront, ce que nous appelons les appelés, ils vont rester en attendant le trône blanc. Donc le paradis, c'est comme ici chez nous à Kambo. Nous avons les quartiers Makomeno. Nous avons cité Shekami. Nous avons Kiwewe. Chez votre Tuko Mukambo. Mais tout le cas, ma quartier, il y a quoi? Mais nous habitons dans le paradis. Je donne cet exemple pour que vous compreniez ce que c'est le paradis. Non, l'état me fait un paradis. Vous voyez. Non. Et maintenant, tous les chrétiens, ils vont au paradis. Tous ceux qui sont sauvés, ils seront au paradis, mais dans des quartiers différents, selon les expériences qu'ils ont eues dans leur foi. Il y a maintenant la septième dimension, c'est ce que nous appelons ciel. Le ciel ou la septième dimension, c'est l'habitation de Dieu lui-même. C'est là où Jésus-Christ habite. Le corps là qu'on a meurtri est au ciel. C'est pas quand Fabanam, dans son expérience de l'au-delà, quand il est entré dans au paradis, malgré tout ce qu'il avait vu, il posait la question, Pierre, tout ça. Quand il voulait savoir, je vais voir Jésus, où est Jésus, la voix lui a dit, il est un peu plus haut là. Tu ne sauras pas le voir maintenant. Comme tu es un conducteur et que tu n'as pas achevé le travail, tu vas d'abord retourner, achever le travail. Vous voyez? Maintenant, ici, nous attendons que lui vienne. Quand le temps arrivera et que le travail de la rédemption sera terminé, il va quitter là-haut, son ciel, il viendra nous récupérer pour venir vous chercher. C'est ce que nous lisons. Voyez, je n'ai pas le temps de vous lire les Écritures. C'est Corinthien. Vous voyez? Vous voyez, il dit non, non. Il est là, là-haut. Il n'a pas vu Jésus. Vous voyez? Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est allé au ciel. Jésus disait, même Moïse, même Élie, même Enoch n'étaient pas partis au ciel. Ils étaient au paradis. Mumbingu kufika na leo hii. Au ciel jusqu'à ce jour. Muko paka Yesu ye peke. Il n'y a que Jésus seul. Amuyaendaka muntu mwingine. Personne n'y est jamais allé. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Tamitangazia habari mbaya. Est-ce que vous pouvez vous réjouir? Réjouissez-vous d'avance. Nous serons les premiers individus à fouler le ciel. Kukanyanga kumbingu kule. Alors soyez baptisés du Saint-Esprit. Ceux-là qui piétineront le ciel, c'est seulement ceux-là qui seront baptisés du Saint-Esprit. Nos pieds. Mais pas ces pieds-ci. Mais lorsque nous revêtirons des corps glorifiés, ce sont nos pieds ici qui seront rendus glorifiés. Avec nos pieds, nous allons piétiner le ciel. Voyez, frère. C'est pourquoi, frère, tout le monde a dit que nous persévérons, ce n'est pas en vain. Macho yetu ya imani, nos yeux de la foi, inesha kuona ile muji, ont déjà vu cette ville, ile amba haikuyengwe, celle-là qui n'a pas été construite, na mikono ya bantu, des mains d'hommes, dont l'architecte, il est et le constructeur, c'est Jésus-Christ lui-même. Yesu Christu yeye mwenyewe. Que votre cœur se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place. Comme Abirikwa Biabongo, si ce n'était pas vrai, je ne l'aurais jamais dit. Si je m'en vais, je m'en vais vous préparer une place. Et tu prêtes mon frère, et tu prêtes ma soeur, pour rencontrer le Seigneur et aller dans cette cité. Notre père Abraham, quand il a vu cette cité, il a négligé toutes les cités. Il a abandonné tous les projets de la terre qu'il avait parce que ses yeux étaient fixés sur cette cité-là. Que cela soit notre préoccupation. Oui, frère. Dio Nduku. Oui, ma soeur. Dio Dadayangu. Que cela soit notre préoccupation. Vous savez que vous êtes de Dieu. Savez-vous que vous êtes de Dieu? C'est-à-dire que nous sommes des petits. Ce n'est pas que nous sommes Jéhovah. Nous sommes des petits dieux. C'est parce que nous sommes nés de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés. Et de Dieu naissent des petits dieux. Et des petits dieux vivront avec les grands dieux dans son ciel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous n'êtes pas consolé? Vous répondez que je me suis beaucoup contenu. Parce que ce sont des promesses. Je me suis beaucoup contenu. Pour que vous chiquiez qui le rôme tacatif. Afin que vous entendiez ce que le Saint-Esprit veut vous dire, vous montrer. Donc, voilà les sept dimensions. Alors. Ceux-là qui aiment lire le message, Banam en a parlé dans l'état présent de mon ministère. Paragraphe 21 à 25. Dans son paragraphe 21 à 25. Mou page 6. Carta page 4. jusqu'à la page 6. Vous allez lire tout ça. Donc, vous avez amplement toutes les explications. Et même quand Frère Branham est allé au paradis, il n'a pas vu Paul. Hein? Ah, je ne veux pas que vous me posiez la question. Est-ce qu'il a-t-il vu Paul? Non. Frère Branham n'a vu que les croyants de sa génération auxquels il avait apporté la parole. Vous voyez, ce sont ces milliers de sauvés de sa génération qui sont venus l'accueillir. Bien-aimé frère, bien-aimé frère Branham, même sa femme est venue l'accueillir, même son fils, sa fille est venue l'accueillir. Vous voyez, il n'a pas vu Paul. Quand on lui a dit que tu seras jugé comme tu es un conducteur, il pose aussi, est-ce que Paul sera jugé? Il dit oui, il sera jugé. Et c'est là où il s'est exclamé, si ceux de Paul entraient, les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché comme Paul. La manière qu'il a baptisé, le baptême qu'il a fait, c'est la manière que je baptise. Tout ce qu'il a prêché, la divinité du Seigneur Jésus, je l'ai aussi prêché. Si les siens entrent, les miens aussi entreront. Vous voyez, il a dit que ce sont ces gens lui qui l'ont conduit. Ces gens qui l'ont conduit à Christ. Parce que les Branham Dieu n'ont pas d'une oreille. Non, il a dit. Ce sont les miens, ce sont ces gens-là que Branham a conduit à Christ. Ah, vous voyez. Mais Paul a kumone. Lakini n'a pas vu Paul. Dieu a ni na kumone Paul. Pourquoi n'a pas vu Paul? Ni Dieu Paul a quoi mon quartier ingine. Parce que Paul habitait dans un autre quartier. Vous voyez. Mnaona. Ni mon paradis mais mon quartier ingine. Dans le paradis mais à un autre endroit. Bamouage d'Éphèse. Ceux d'âge d'Éphèse. Beko mon quartier yao. Ils sont dans leur quartier. Bam deuxième âge. Beko mon quartier yao. Deuxième âge, ils sont dans leur quartier. Chaque âge. Qui l'a qu'ils aient. Beko na ma quartier yao. Ils ont leur propre quartier. Vous me suivez? Une fata. Donc c'est comme ça que Dieu a fait. Bah si Dieu vient mon waripang. Il n'a pas vu Pierre. Ashkumona ke Petro. Il n'a pas vu Abraham. Ashkumona ke Ibrahim. Ce n'était pas le temps de se voir. Chacun s'est reposé. Qu'il a montré qu'on a qu'on a pu dans son quartier. Vous voyez. Le temps viendra. Quand Jésus viendra, il y aura un temps de communion. Vous voyez. Quand Jésus viendra, nous allons communier avec les Abraham, avec les Paul, avec les Jean, vous voyez, avec les Philippe, avec les Esaïe, nous allons communier avec tous les sœurs, toutes les sœurs et les frères de cette assemblée de Cambo qui sont morts dans la foi du Saint-Esprit. Nous serons autour d'une même table. Nous allons communier avec Jésus. À cette époque-là, wakati, tout le monde ne va pas s'intéresser à moi. Ni à Branham. Ni à Meshach. Ni à quelqu'un d'autre. Nos yeux vont se braquer sur celui qui nous a aimés pendant que nous étions pécheurs et qui nous a sauvés, notre Seigneur Jésus-Christ. Il sera l'hôte. Abraham anapenda kumuona, Paul anapenda kumuona, Isaïe anapenda kumuona, Jitu anapenda kumuona, Branham anapenda kumuona. Tutaanza kujiinteresser. On va pas s'intéresser entre nous. Chez moi, tutakuwa babule. L'homme le plus important, le glorieux, sera notre Seigneur Jésus-Christ. Atakuya ni Bwana wetu. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Bwana Mungu amibariki juu ya mangaribi ya leo. Levons-nous pour la prière. Merci notre Père. Asante baba yetu. Nous te disons grandement merci pour Jésus, pour le message que tu nous as envoyé, pour ces grandes révélations, les mystères que tu nous as révélés, Seigneur, les promesses que tu nous as données. En écoutant ces choses, donne-nous la foi de persévérer jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'au scellement, afin que nous puissions hériter toutes ces belles promesses. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, encouragez-les, que Satan ne les décourage pas. Le fait qu'ils ont reconnu que ce message est la vérité, fais-les grâce, expérimenter toutes les vertus, toutes les bénédictions que tu as cachées dans ce message. Bénis chacun de nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.